Bon, là on a un morceau, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est du médium, c'est entre les anciens morceaux et les nouveaux. Ça doit être le préféré de beaucoup. Ouais, il y en a pas qui aiment. Voilà. Alors comme on va bientôt signer avec une grosse major, on voulait faire ça tranquille, mais bon, ils nous ont imposé un musicos, un gars connu, réputé dans le métier. Donc on va jouer avec un américain, il s'appelle David Ratchet. Devil Ratchet. Il a joué avec les plus grands, Fabrice, Sibyl, Michael, avec Prima Lambda, quoi. Non, j'ai pas dit Fabrice. Il va jouer aussi avec. Voilà, donc ça s'appelle le Mexicain. Et si vous voulez brasser, vous pouvez, c'est le moment. Banzai, 3, 4. Tequila. Thank you. ne plus ramer dans la même direction. Je me laisserai guider par cet air qui me livre. Je garderai le zen jusqu'à destination. Merci David de l'avoir joué avec nous. Merci David, ouais. Ça fait plaisir, Yamouaï. Yamouaï. Ils sont un peu longs, hein. Là, il y a de l'écho. Et normalement, il faut faire ouais.